il fait tic-tac-tic-tic. Les oiseaux du lac font pic-pic-pic. Clou-clou-clou, le Nuka-Cola. Et tous les humains font bla-bla-bla. Mais boum, quand la bombe a fait boum, tout autour ça fait boum. Et c'est affreux, c'est la guerre. Boum, on chante le vin bloom. Car tout le monde fait boum, et tout fait boum, c'est la merde. Tout a changé depuis hier et les rues sont toutes rangées dans un gros bordel. Y'a des champignons et une odeur âcre sur la mer, le soleil est verdâtre. Boum, partout il y a des coups, parce que ça a fait boum, quand le monde a fait boum. Le cabot sauvage fait ouh ouh ouh, les super mutants font bleurr. La vaisselle cassée fait crac crac crac, quand les coups viennent en faisant. Mais boum, la RNC fait boum, la confrérie fait boum, l'institut boum, c'est bagarre. Boum, l'éclair tout vert fait boum, le bon Dieu a fait boum, partout les gens en ont marre. Mais mon flingue est plus vif que l'éclair dans ce monde pourri au nucléaire. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il va vous envoyer en enfer. Boum, le monde entier fait boum, tout l'univers fait boum, parce qu'ici ça fait boum boum.